Le vin de l'assassin. Ma femme est morte. Je suis libre. Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'on peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits. Et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai. Si je le puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse, j'implorai d'elle un rendez-vous. Le soir, sur une route obscure. Elle y vint. Folle créature. Nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop. Voilà pourquoi je lui dis: sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre. Un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ces nuits morbides à faire du vin un linceul ? Cette crapule invulnérable, comme les machines de fer, jamais, ni l'été ni l'hiver, n'a connu l'amour véritable avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaînes et d'ossements. Me voilà libre. Et solitaire. Je serai ce soir ivre mort. Alors, sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien. Le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu, je m'en moque, comme de Dieu, du diable ou de la sainte table.